Antenne de police d'Aurora, bonsoir. Déborah Cooper, j'habite à Side Creek Lane. Je crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. Pouvez-vous me dire précisément ce que vous avez vu ? Je ne sais pas. J'étais à la fenêtre, je regardais en direction des bois, et là j'ai vu cette jeune fille qui courait entre les arbres. Il y avait un homme derrière elle. Je crois qu'elle essayait de lui échapper. Vous les voyez toujours ? Non, je ne les vois plus. Ils sont dans la forêt. Je vous envoie immédiatement une patrouille, Madame Cooper. C'est par cet appel que débuta l'histoire qui devait secouer la ville d'Aurora dans le New Hampshire, encore des années plus tard. Ce jour-là, le samedi 30 août 1975, Nola Kellergan, une jeune fille de la région, disparut. On ne retrouva plus jamais sa trace. Lire votre livre, Monsieur Goldman, je ne peux pas m'arrêter. Le premier était déjà bon, mais alors... Tout le monde parlait du livre. Dans les rues de New York, en ce mois d'octobre 2008, je ne pouvais plus déambuler en paix. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé à Aurora en 1975. Quelle horreur ! Mais comment est-ce qu'on peut en arriver là ? On en parlait partout. À la télévision, à la radio, dans les journaux. J'avais à peine 30 ans, et avec ce livre, qui était seulement le deuxième de ma carrière... J'étais devenu l'écrivain le plus en vue du pays. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, de Joël Dicker. Adaptation Sophie Lemp. Réalisation Pascal Deux. Premier épisode. L'affaire qui agitait l'Amérique et dont Marcus Goldman avait tiré l'essence de son récit avait éclaté quelques mois plus tôt, au début de l'été 2008, quand on avait retrouvé les restes d'une jeune fille disparue depuis 33 ans. C'est ainsi qu'avaient débuté les événements du New Hampshire, qui vont être rapportés ici, et sans lesquels la petite ville d'Aurora serait certainement demeurée inconnue du reste de l'Amérique. Au début de l'année 2008, quelques mois avant les événements qui secouèrent le New Hampshire, j'étais en pleine crise, celle de la page blanche. Syndrome qui, paraît-il, n'est pas rare chez les écrivains ayant connu un succès immédiat et fracassant. Ma descente aux enfers s'était décomposée en trois phases. La première, indispensable à toute bonne chute vertigineuse, avait été une ascension fulgurante. Mon premier roman s'était vendu à 2 millions d'exemplaires. En quelques semaines, mon nom était devenu un nom. On me voyait partout, à la télévision, dans les journaux, en couverture des magazines. Mon visage s'affichait sur d'immenses panneaux publicitaires dans les stations de métro. Un livre, un seul. Et je m'étais vu ouvrir les portes d'une nouvelle vie. Celle des jeunes vedettes millionnaires. J'avais déménagé de chez mes parents pour m'installer dans un appartement cossu du village, troquer ma vieille Ford pour une Range Rover flambant neuve aux vitres teintées, et m'étais mis à fréquenter les restaurants huppés. Je m'étais même offert les services d'un agent littéraire, Douglas Claren, qui gérait mon emploi du temps et venait regarder le baseball sur un écran géant dans mon nouveau chez-moi. Pendant 6 mois, Marcus Goldman profita de la douceur de sa nouvelle existence. C'est au cours des 6 mois suivants qu'il réalisa que le vent était en train de tourner. Les lettres d'admirateurs se faisaient plus rares et dans les rues on l'abordait moins. Bientôt, les passants qui le reconnaissaient encore se mirent à lui demander quel serait le sujet de son prochain livre et quand il sortirait. Il comprit qu'il devait s'y mettre. Il nota des idées sur des feuilles volantes et esquissa des synopsis. Sans succès. Il s'acheta finalement un nouvel ordinateur dans l'espoir qu'il lui apporterait de bonnes idées, mais en vain. À l'automne 2007, il y avait une année que son premier livre était paru et il n'avait pas encore écrit une ligne du suivant. J'entrais dans la seconde phase de ma maladie. Schmidt et Hansen, la puissante maison d'édition new-yorkaise qui m'avait offert une coquette somme d'argent pour publier mon premier roman, harcelait mon agent qui, lui, me traquait en retour. Le temps presse, Marcus. Tu sais que Barnaski m'appelle tous les jours. Je sais plus quoi lui dire, moi. Mais dis-lui la vérité. Que mon second roman avance bien, que la structure est en place, les personnages aussi. Tout va bien, je t'assure. Je compte sur toi, hein. Oui. Je compte pas sur ce coup-là. Oui, ne t'inquiète pas. Je m'offris alors 1 mois dans un palace de Miami. Soi-disant pour me ressourcer, intimement persuadé que la détente sous les palmiers me permettrait de retrouver le plein usage de mon génie créateur. Mais sur mon ordinateur, allumé jour et nuit, le document que j'avais intitulé « Nouveau roman.doc » restait désespérément vierge. C'est quand je repris le chemin de New York que débuta la troisième phase de mes malheurs. Dans l'avion, je lus un article sur un jeune auteur qui venait de sortir un roman encensé par la critique. À mon arrivée, dans le hall de l'aéroport, son visage s'étalait partout sur de grandes affiches. La vie me narguait. Non seulement on m'oubliait, mais pire encore. On était en train de me remplacer. Douglas, venu me chercher, allait malheureusement confirmer ce que je pressentais. On est mal, Marcus. Je t'en supplie, dis-moi que la Floride t'a revigoré et que t'as déjà un bouquin bien avancé. Attends. Il y a ce type dont tout le monde parle. Son livre va être le grand succès de Noël. Et toi, Marcus, qu'est-ce que t'as pour Noël ? C'est bon, Douglas. Je vais m'y mettre, je vais y arriver. De toute façon, on fera une grande campagne de publicité, ça marchera. Les gens ont aimé mon premier livre, ils aimeront le suivant. Non mais Marcus, tu comprends pas, hein ? On aurait pu faire ça il y a quelques mois encore. C'était la stratégie. Surfer sur ton succès, alimenter le buzz, donner au public ce qu'il demandait. Le public voulait Marcus Goldman. Mais comme Marcus Goldman est parti sur la coulée douce en Floride, ben les lecteurs sont allés acheter le livre de quelqu'un d'autre. Lâche-moi. Les gens veulent un bouquin qui leur plaise, qui les détende, qui les divertisse. Et si c'est pas toi qui leur donne, ce sera ton voisin et toi tu seras bon pour la poubelle. Il va falloir écrire, mon vieux. Tu peux plus te débiner. T'as signé pour 5 livres. 5 livres. Je crois que je sais pas tout ça. Barnaski et Furax. Il veut plus patienter. Il m'a dit qu'il te laissait jusqu'à juin. Et tu sais ce qui va se passer si tu te plantes ? Il va dénoncer ton contrat, te poursuivre en justice et te sucer jusqu'à la moelle. Il va te prendre tout ton pognon et tu pourras tirer un trait sur ta belle vie, ton bel appartement, tes pompes italiennes et ta grosse bagnole. T'auras plus rien. Il te saignera à blanc. De retour chez moi, je décrochais mon téléphone et composais le numéro de la seule personne capable de me tirer de ce mauvais pas. Harry Kéber, mon ancien professeur d'université et surtout l'un des auteurs les plus lus et respectés d'Amérique. Je l'appelais chez lui, à Aurora, dans le New Hampshire. Harry, c'est Marcus. Marcus, c'est bien vous qui me téléphonez, incroyable. Depuis que vous êtes une vedette, vous ne donnez plus de nouvelles. Et j'ai essayé de vous appeler il y a un mois, je suis tombé sur une secrétaire qui m'a dit que vous n'étiez là pour personne. Harry, ça va mal. Je crois que je ne suis plus écrivain. Qu'est-ce que vous me chantez là, Marcus ? Je sais plus quoi écrire, je suis fini. Page blanche. Ça fait des mois, peut-être une année. Blocage mental, Marcus, voilà ce que c'est. Les pages blanches sont aussi stupides que les pannes sexuelles liées à la performance. Ne vous souciez pas du génie, contentez-vous d'aligner les mots, le génie vient naturellement. Vous pensez ? J'en suis sûr. Mais vous devriez laisser un peu de côté vos soirées mondaines et vos petits fours. Écrire, c'est sérieux, je pensais vous l'avoir inculqué. Mais je travaille dur, je ne fais que ça. Et malgré tout, j'arrive à rien. Alors, c'est qu'il vous manque un cadre propice. New York, c'est bien beau, mais c'est souvent l'enfer. Pourquoi ne viendriez-vous pas ici, chez moi, comme quand vous étiez étudiant ? Jamais une invitation à l'exil ne m'avait paru plus sensée. M'éloigner de New York, partir retrouver l'inspiration dans la campagne américaine en compagnie de mon vieux maître, c'était exactement ce qu'il me fallait. Une semaine plus tard, je montai dans ma voiture et pris la direction du New Hampshire. Je fis le trajet d'une seule traite. L'hiver avait été neigeux et les paysages qui défilaient autour de moi étaient chargés de blanc. J'aimais le New Hampshire. J'aimais sa tranquillité, ses immenses forêts, ces étangs couverts de nénuphars. J'aimais l'idée qu'on n'ait payé ni taxes ni impôts sur le revenu. Sa devise, vivre libre ou mourir, frappée sur les plaques des voitures qui me dépassaient sur l'autoroute, résumait bien ce puissant sentiment de liberté qui m'avait saisi à chacun de mes séjours. Aurora, petite ville au bord de l'océan à un quart d'heure de la frontière avec le Massachusetts. La rue principale compte un cinéma, un bureau de poste, quelques magasins, un poste de police et une poignée de restaurants, dont le Clark's, le diner historique de la ville. Tout autour, ce ne sont que des quartiers paisibles de maisons de planches colorées, aux marquises conviviales, surmontées de toits en ardoise et bordées de jardins au gazon impeccablement entretenu. C'est une Amérique dans l'Amérique, où les habitants ne ferment pas leurs portes à clé. L'un de ces endroits comme il n'en existe qu'en Nouvelle-Angleterre, si calme qu'on les pense à l'abri de tout. Harry habitait une magnifique maison en pierre et pain massif. situé en dehors de la ville, sur la route 1 en direction du Maine, et posé au bord d'un bras de mer répertorié sur les cartes sous le nom de Goose Cove. C'était une maison d'écrivain, dominant l'océan. Harry m'attendait sous le porche, emmitouflé dans une énorme veste d'hiver. Alors que je descendais de voiture, il vint à ma rencontre, posa ses mains sur mes épaules et m'offrit un large sourire réconfortant. Bienvenue. Allez, venez rentrer au chaud. Entrez, entrez. Vous reconnaissez ? Il faisait bon à l'intérieur, alors que par l'immense baie vitrée, je voyais l'océan tourmenté par les vents glacés et la neige humide qui tombait sur les rochers. Les liens qui m'unissaient à Harry étaient très forts. Il était entré dans ma vie au cours de l'année 1998, lorsque j'intégrais l'université de Burroughs dans le Massachusetts. À cette époque, il avait 57 ans. Il y avait alors une quinzaine d'années qu'il faisait les beaux jours de cette modeste université de campagne. Avant cela, je connaissais Harry Kéber, le grand écrivain, comme tout le monde. À Burroughs, je rencontrais Harry tout court. Celui qui allait devenir l'un de mes plus proches amis et qui allait m'apprendre à devenir écrivain. Lui-même avait connu la consécration au milieu des années 70, lorsque son second livre, Les Origines du Mal, s'était vendu à 15 millions d'exemplaires, lui valant les deux prix littéraires les plus prestigieux du pays. Depuis, il publiait à un rythme régulier et tenait une chronique mensuelle très suivie dans le Boston Globe. En allant passer quelques semaines chez lui, j'espérais qu'il parviendrait à me transformer à nouveau en écrivain et à m'apprendre comment surmonter l'angoisse de la page blanche. Il m'installa dans son bureau du rez-de-chaussée, là où lui-même avait écrit tous ses livres, y compris Les Origines du Mal. J'y passais de longues heures à essayer d'écrire à mon tour, mais je restais surtout absorbé par l'océan et la neige de l'autre côté de la fenêtre. Je ne peux pas dire que ma retraite à Aurora me rendit mon inspiration, mais elle me fit indéniablement du bien. À Harry aussi, qui, je le savais, se sentait souvent seul. C'était un homme sans famille et sans beaucoup de distractions. Ce furent des jours heureux. Ce furent en fait nos derniers jours heureux. Ils allaient fréquemment déjeuner au Clark's. Ils buvaient des cafés pendant des après-midi entiers et dissertaient sur la vie, comme à l'époque où Marcus était étudiant. Au Clark's, Harry occupait la même table depuis 30 ans, la numéro 17, sur laquelle Jenny Doan, patronne de l'établissement, avait fait visser une plaque en métal où était inscrit « C'est à cette table que durant l'été 1975, l'écrivain Harry Kéber a rédigé son célèbre roman « Les origines du mal ». Je connaissais cette plaque depuis toujours, mais je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Ce n'est que lors de ce séjour que je commençais à m'y intéresser de plus près, la contemplant longuement. Cette suite de mots gravés dans le métal m'obséda bientôt. Assis à cette misérable table de bois collante de graisse et de sirop d'érable, dans ce diner d'une petite ville du New Hampshire, Harry avait écrit son immense chef-d'œuvre, celui qui avait fait de lui une légende. Comment lui était venue une telle inspiration ? Moi aussi, je voulais me mettre à cette table, écrire et être frappé par le génie. Je m'y installais d'ailleurs, avec papier et stylo, pendant deux après-midi consécutifs, sans succès. Qu'est-ce que vous me dites, Marcus ? Depuis trois semaines que vous êtes là, vous n'avez rien écrit. Non, rien. Rien. Enfin, rien de valable. Que des idées de mauvais romans. Mais bon Dieu, Marcus, qu'est-ce que vous voulez écrire si ce n'est un roman ? Un chef-d'œuvre. Je veux écrire un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre ? Oui, je veux écrire un grand roman avec de grandes idées. Un livre qui marquera les esprits. Mais votre ambition démesurée m'emmerde, Marcus. Ça fait longtemps que je vous le dis. Vous allez devenir un très grand écrivain. Je le sais, j'en suis persuadé depuis que je vous connais. Et vous voulez savoir quel est votre problème ? Vous êtes beaucoup trop pressé. Quel âge avez-vous exactement ? 30 ans. 30 ans ? Mais qu'est-ce que vous croyez, Marcus ? Que vous allez pondre comme ça un second bouquin ? Une carrière, ça se construit, mon vieux. La gloire, moi. La gloire. Mais vous, Harry, comment avez-vous fait ? Les origines du mal, c'est un chef-d'œuvre ! C'était votre deuxième livre seulement. Comment avez-vous fait ? Comment écrit-on un chef-d'œuvre ? Les chefs-d'œuvre ne s'écrivent pas, Marcus. Ils existent par eux-mêmes. Et puis, vous savez, aux yeux de beaucoup, c'est finalement le seul livre que j'ai écrit. Aucun des autres qui ont suivi n'a connu le même succès. Et ça, c'est triste. Parce que je crois que s'il y a 30 ans, on m'avait dit que j'avais atteint le sommet de ma carrière, je me serais sûrement jeté dans l'océan. Harry. Ne soyez pas trop pressé. Ouais. Vous avez raison. Malgré les conseils de Harry, Marcus restait obsédé par cette idée. Comment lui, à son âge, avait-il eu le déclic, ce moment de génie qui lui avait permis d'écrire les origines du mal? Comme Harry l'avait installé dans son bureau, Marcus s'autorisa à y fouiner un peu, espérant y dénicher quelques-uns des secrets de fabrication de son maître. Tout commença lorsque j'ouvris un tiroir et que je tombais sur un cahier manuscrit et quelques feuillets épars. Des originaux de Harry. J'en fus très excité. Insatiable, je me mis à explorer sa bibliothèque en quête d'autres carnets. Pour avoir le champ libre, il me fallait attendre que Harry s'absente de la maison. Or, il se trouvait que le jeudi était le jour où il enseignait à Burroughs, partant tôt le matin et ne revenant qu'en toute fin de journée. L'après-midi du jeudi 6 mars, je trouvai dissimulé derrière des livres une grande boîte en bois laqué qui contenait une série de photos et des articles de journaux. En 1975, Harry semblait avoir entretenu une liaison avec une fille de 15 ans, alors que lui-même en avait 34. Ne vous en faites pas, Harry. Ne vous en faites pas pour moi. Je me débrouillerai pour vous retrouver là-bas. Attendez-moi dans la chambre 8. J'aime ce chiffre, c'est mon chiffre préféré. Attendez-moi dans cette chambre à 19h. Ensuite, nous partirons pour toujours. Je vous aime tant, très tendrement. Lola. Mais qu'est-ce que vous faites, Marcus? Vous fouillez! Je vous invite chez moi et vous fouillez dans mes affaires! Je suis tombé dessus, Harry. J'ai trouvé cette boîte par hasard. J'aurais pas dû l'ouvrir, je suis désolé. Vous n'auriez effectivement pas dû. De quel droit? Mais de quel droit, bon sang? Rendez-moi cette boîte! Harry? Qui est Nola? Ne demandez pas qui est Nola, s'il vous plaît. Harry? Qui est Nola? Maintenant que vous avez trouvé ces photos, autant que je vous le dise. En 1975, à peine installé à Aurora, je suis tombé amoureux d'une jeune fille qui n'avait que 15 ans. Elle s'appelait Nola et a été la femme de ma vie. Je l'ai aimée, Marcus. Tellement aimée. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Une histoire sordide. Un soir de la fin août 1975... Elle a disparu après avoir été aperçue courant vers la forêt, poursuivie par un homme. On ne l'a jamais retrouvée. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Quelle horreur. Vous savez, Nola avait changé ma vie. Je n'ai jamais oublié l'été que j'ai passé avec elle. Rien, depuis, n'a eu pour moi autant de sens. Marcus. Personne n'a jamais été au courant de tout ça. Si quelqu'un à Aurora apprend que j'ai vécu une histoire d'amour avec Nola Kellerghan, ça pourrait causer ma perte. Promettez-moi de garder le secret. Je vous le promets, Harry. Vous pouvez me faire confiance. Marcus rentra à New York à la fin du mois de mars sans en avoir appris davantage sur l'histoire de Nola et Harry. Il était à 3 mois du délai accordé par son éditeur. Le compte à rebours avait commencé. Lorsque débuta le mois de juin, il n'avait toujours pas écrit une ligne et savait qu'il serait bientôt convoqué dans le bureau de Roy Barneski. Il ne se doutait pas qu'un événement dramatique allait changer la donne. Le jeudi 12 juin 2008, aux environs de 13h, il reçut un coup de téléphone. Allô ? Allô? Elle est morte. Harry? Harry, c'est vous? Elle est morte, Marcus. Morte? Mais qui est morte? Nola. Quoi? Comment ça? Elle est morte. Et tout est de ma faute. Marcus, qu'est-ce que j'ai fait? Bon sang, Harry, je comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Harry? Je rappelais aussitôt, chez lui, sur son portable, sans succès. J'ai essayé à de nombreuses reprises, laissant plusieurs messages sur son répondeur. J'ignorais à cet instant précis que Harry m'avait appelé depuis le quartier général de la police d'État, à Concorde. Allô? T'es devant la télé, Marcus? Non, Doug, je te rappelle que je travaille. Allume ta télévision, allume-la, tout de suite. Quelle chaîne? Mais putain, mais n'importe laquelle! Principal titre de la mi-journée, l'arrestation de l'écrivain Harry Kéber... Quoi? En début de matinée, une entreprise de jardinage était venue à Gouskov à la demande de Harry pour planter des massifs d'hortensias. En retournant la terre, les jardiniers avaient trouvé des ossements humains à un mètre de profondeur et ils avaient immédiatement prévenu la police. Un squelette entier avait rapidement été exhumé et Harry avait été arrêté. Sa chute ne faisait que commencer. Le lendemain se tint une audience préliminaire, après laquelle je reçus un appel de son avocat, Benjamin Ross. Harry a insisté pour que je vous téléphone. Il veut vous dire qu'il est innocent et qu'il n'a tué personne. Je sais qu'il est innocent. Comment va-t-il ? Mal, comme vous pouvez l'imaginer. Les flics lui ont mis la pression. Il a reconnu avoir eu une histoire avec Nola l'été qui a précédé sa disparition. Oui, j'étais au courant pour Nola. Mais pour le reste... Il nie. Mais je vous cache pas que ça va être difficile. Ils ont du lourd. Comment ça? Ça doit rester entre nous. Personne ne doit l'apprendre. Ne vous inquiétez pas. Avec les restes de la gamine, les enquêteurs ont retrouvé le manuscrit des origines du mal. C'était « La vérité sur l'affaire Harry Kéber » de Joël Dicker, avec Florent Shepp, Frédéric Pierrot, Gabriel Dufay, Mélissa Barbeau, Olivier Clavery, Marie Daude, Patrick Autier, Joanna Nizar. Et les voix de Yvette Caldas, Marc Lamijon, Laure Lefort, Grégory Duval, Yana Bitnerova, Thomas Gourdi. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Bertrand Amiel. Musique originale, Damien Salençon. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, de Joël Dicker, adaptée par Sophie Lemp, a été publiée aux éditions de Fallois.